Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, le Québec au temps de la Révolution américaine. Hugo, on va faire un petit peu d'histoire-fiction ce matin. Pourquoi si le pas? Québec, ben oui, si le Québec était un État américain, ça aurait pu se passer. Ça, tout à fait. Mais il paraît que ça a passé beaucoup plus proche qu'on pense qu'on devienne des Américains, oui. Un État américain. Le 13 novembre 1775, les troupes révolutionnaires américaines ont occupé Montréal. Donc, Montréal a été occupé par les révolutionnaires américains pendant 188 jours. Quand même. Tout l'hiver. Et éventuellement, même Benjamin Franklin, le diplomate, le Benjamin Franklin, est venu ici pour essayer essentiellement de convaincre les Canadiens de joindre les rangs des révolutionnaires et de faire la révolution tous ensemble. Mais on a dit non. Le journaliste et chroniqueur Hugo Lavoie au micro de Marie-France Bazot à l'émission C'est pas trop tôt en novembre 2014. L'intérêt des indépendantistes américains pour la province de Québec, comme on disait à l'époque, est très grand au moment de la Révolution américaine. Et on peut sans doute dire que pendant quelques mois, entre l'automne 1775 et le printemps 1776, le scénario d'une participation du Québec à la Révolution américaine a même été de l'ordre du possible. Vous n'êtes pas un stratège militaire, mais à votre point de vue, si les Canadiens et Français avaient pris fait et cause d'une façon très positive, je dirais même agressive, pour les indépendantistes américains, est-ce que nous serions devenus des Américains? Ben, il faut dire que la province de Québec, à ce moment-là, a été prise par les militaires américains complètement. Le seul endroit qui n'a pas été dans les mains des militaires américains, parce qu'ils sont venus avec Montgomery par le Richelieu, puis ont monté le Saint-Laurent, et avec Arnold le long de la Chaudière, alors ils sont arrivés tous les deux vers Québec, et l'offensive du 31 décembre 1775 contre la ville de Québec a été une défaite, mm-hmm. parce que Montgomery est mort, puis Arnold a été blessé, mm-hmm. mais il reste que l'armée américaine a continué le siège sur Québec jusqu'au printemps 76. Mais là, c'est l'arrivée de 5000 militaires anglais par bateau au printemps, qui ont fait rebrousser chemin aux Américains. Si les Canadiens s'étaient unis aux Américains, il y avait à peine 1000 soldats anglais au pays. Alors, c'est clair qu'à ce moment-là, ils auraient pu se libérer du joug anglais et ils auraient pu se défendre contre les militaires anglais qui s'en venaient. Extrait de l'émission « Le matin de la fête » diffusé le 23 octobre 1977. Vous y entendiez le père Émile Legault interviewer le prêtre et historien Lucien Lemieux. Pour nous parler de cette période très particulière où le Québec est l'objet d'une intense convoitise de la part des indépendantistes américains, je reçois Régis Courcin, qui est chercheur postdoctoral au CERIUM, le Centre d'études et de recherches internationales de l'Université de Montréal. Régis Courcin, bonjour. Bonjour Jacques Beauchamp. Alors parlons de cette période de la Révolution américaine de 1776. À ce moment-là, Régis Courcin, les indépendantistes américains se mettent à s'intéresser, mais vraiment activement, au Canada, de deux façons, par une campagne qu'ils vont mener pour nous convaincre de nous joindre à leur cause, et puis par une campagne militaire carrément. Comment en vient-on exactement là? Alors, pour faire une rapide mise en contexte, il faut avoir en tête qu'il y a eu, en 1763, donc, le traité de Paris qui met un terme, justement, à la guerre de 7 ans entre la France et l'Angleterre. Donc, la Nouvelle-France n'existe plus, c'est bientôt la province de Québec. En gros, la couronne britannique fait le choix d'abord d'une politique d'assimilation, c'est-à-dire que pour cela, il veut qu'une population britannique, finalement, que sa population émigre en masse au Québec. Ouais. Le problème, c'est que la population ne répond pas à l'appel, et ce qui oblige finalement le gouvernement britannique à changer son fusil d'épaule et à choisir plutôt une politique d'accommodement. Et c'est là que l'acte de Québec entre en place, puisque il va reconnaître en fait les particularités religieuses et linguistiques, hein, culturelles globalement, de la province, à travers, on va dire, trois grands axes. Tout d'abord, il va reconnaître le système seigneurial. Deuxièmement, il va reconnaître la religion catholique, ce qui est vraiment révolutionnaire à l'époque, puisque la religion catholique est ardemment combattue au niveau de la métropole, donc en Grande-Bretagne, en Écosse, en Irlande notamment. Et troisième volet, il va attribuer le pouvoir politique au gouverneur et au conseil. Donc là, on est très loin hein, du modèle parlementaire qui a cours à la fois en métropole et dans les colonies américaines. Ouais. Alors, pour ce qui est des réactions, elles sont unanimement hostiles, et surtout, en fait, de la part des 13 colonies américaines, à la fois sur le plan géographique, puisque l'acte de Québec va redessiner les frontières de la province de Québec, notamment, les frontières vont désormais s'étendre jusqu'à la vallée de l'Ohio. Et donc, les 13 colonies américaines voient cela d'un très mauvais œil, parce qu'elles considéraient cet espace-là comme étant leur précaré. Ouais. Deuxièmement, sur le plan politique, il faut savoir que l'acte de Québec passe au même moment qu'une autre batterie de lois que les Américains appellent intolérables ou despotiques. Selon, en gros, ces lois sont une atteinte à leur liberté politique et commerciale, et ils sont convaincus qu'elles ont été faites pour les soumettre en fait, à la volonté de la couronne britannique. Ouais. Donc les Américains, on y reviendra, mais ils vont essayer de nous convaincre en fait, de ne pas accepter ces politiques qui sont appliquées dans ces 13 colonies américaines, mais qui sont aussi appliquées chez nous, politiques d'ingérence du pouvoir colonial britannique. C'est un peu ça l'idée, et ça va conduire donc à toutes sortes de tentatives de mettre les Canadiens de leur côté par la parole, mais par les armes aussi. À l'été 1775, le général Washington envoie deux armées envahir la province de Québec. Un contingent de 1000 hommes descendra le lac Champlain et le Richelieu pour prendre Montréal. Richard Montgomery le commande. Il a été capitaine dans l'armée britannique. Il est maintenant le plus jeune major général dans l'armée américaine. Mais les Américains comptent surtout sur la deuxième attaque pour surprendre les Anglais. Leurs hommes doivent traverser les épaisses forêts du Maine, puis descendre la Chaudière pour déboucher devant Québec. C'est une route si difficile que même les Indiens la jugent impraticable. L'armée est commandée par un exalté du Connecticut qui, après avoir été un héros de la Révolution américaine, entrera dans l'histoire comme un des traîtres les plus notoires à la cause de la liberté. Nous marchons sur Québec pour libérer nos frères du Canada. Benedict Arnold a fait tous les métiers. Capitaine de navire, maquignon, contrebandier. Maintenant, il veut prendre Québec. Arnold est venu plusieurs fois au Québec, où il a comme associé l'espion Thomas Walker. Walker l'a assuré que le moment est favorable pour faire la conquête du Canada. Extrait de la série « Le Canada, une histoire populaire » diffusée à la télé de Radio-Canada à l'automne 2000. En 1775, donc, les Américains se lancent dans une campagne militaire au Canada. Pourquoi cette tentative d'invasion de la « Province of Québec » Régis Courson? Alors bon, grosso modo, on peut dire que les motivations sont de deux ordres. D'abord stratégique, puisque les Américains veulent consolider le front nord en prenant possession des forts britanniques pour éviter ou du moins contenir une invasion potentielle par le Saint-Laurent. Puis, deuxièmement, au niveau idéologique, tout simplement, parce qu'il s'agit d'étendre les rameaux de la liberté partout en Amérique. Et donc, la province de Québec fait forcément partie de l'Amérique, donc en la délivrant de la tyrannie britannique. Oui, que nous nous joignons vraiment à leur combat, par la force, cette fois-là, par la force des armes, parce qu'il y aura encore une fois deux fronts, le front plus diplomatique et le front militaire. Comment se déroule ce front militaire, cette campagne du Québec en 1775-1776? Alors, en fait, l'armée américaine s'empare début novembre des forts britanniques qui protègent l'accès au Richelieu et donc qui lui ouvre, par conséquent, l'accès aux voies navigables jusqu'à Montréal. Et c'est ce que cette armée américaine fit, puisque le 12 novembre 1775, elle entre dans Montréal. Au même moment, comme on l'a entendu, une milice américaine composée d'à peu près 1000 soldats arrive en Beauce après avoir fait une traversée épique en fait, des Appalaches. Les deux milices se rejoignent à Québec. Et début décembre, et c'est là que commence en fait le siège de la ville de Québec, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque l'armée américaine arrive à Montréal, l'armée britannique va refluer jusqu'à la ville de Québec. Elle se replie environ avec à peu près 1700 soldats et suffisamment de vivres pour tenir de longs mois de siège. Ouais. Et c'est là en fait que le vent commence à tourner, l'hiver arrivant, puisque en fait ce n'est plus l'armée britannique qui est maintenant en difficulté, c'est l'armée américaine. Ah bon. Et dos au mur, en fait, parce que l'hiver arrive et que les Américains ne sont pas du tout équipés pour faire face aux rigueurs, justement, de cet hiver, eh bien, ils vont un peu tenter, de manière désespérée, un assaut général le 30-31 décembre 1775. Alors bon, pour couper court, c'est une défaite cuisante. Ils vont notamment perdre le général Montgomery, qui trouve la mort. Alors, c'est assez symbolique finalement, mais c'est quand même le premier général américain à tomber durant la guerre d'indépendance américaine, et c'est au Québec. Et donc voilà, donc c'est une défaite cuisante. Et ceci nous apprend surtout en fait une chose, c'est que depuis la guerre de 7 ans, on savait que prendre ou garder Québec, c'est prendre ou garder la province. Oui. Et donc là, les Britanniques, en gardant Québec, ils ont assuré leur présence en Amérique. Mais aussi, la ville de Québec a été véritablement leur base arrière durant la guerre d'indépendance. Puisque le 6 mai 1776 arrive dans son port un détachement d'environ de 5 à 10 000 soldats qui serviront non seulement à reprendre possession de la province de Québec, mais à réprimer l'insurrection des 13 colonies américaines. Et c'est ce qui met en fait un terme à cette tentative d'invasion militaire des indépendantistes américains en 1775-1776. Parallèlement à cette action militaire, il faut le rappeler, les indépendantistes américains vont tenter de convaincre les Canadiens de se joindre à eux, de participer en quelque sorte à la Révolution américaine. Et ça commence même plus tôt, dès 1774. Il y a une première invitation qui est faite à cet effet, qui va prendre la forme d'une lettre envoyée à la population du Québec par le Congrès américain. Nous, les délégués des colonies, ayant été députés par les habitants des dites colonies pour les représenter dans un congrès général à Philadelphie, avons jugé à propos de nous adresser à votre province comme à une de ces parties qui y est des plus intéressées. Nous ne requérons pas de vous dans cette adresse d'en venir à des voies de fait contre le gouvernement de notre souverain. Nous vous engageons seulement à consulter votre gloire et votre bien-être et à ne pas souffrir que des ministres infâmes vous persuadent et vous intimident jusqu'au point de devenir les instruments de leur cruauté et de leur despotisme. Nous vous engageons aussi à vous unir à nous par un pacte social fondé sur le principe libéral d'une liberté égale et entretenu par une suite de bons offices réciproques qui puissent le rendre perpétuel. À dessein d'effectuer une union si désirable, nous vous prions de considérer s'il ne serait pas convenable que vous vous assembliez chacun dans vos villes et districts respectifs pour élire des députés de chaque endroit qui formeraient un congrès provincial duquel vous pourriez choisir des délégués pour être envoyés comme les représentants de votre province au congrès général de ce continent qui doit ouvrir ses séances à Philadelphie le 10 mai 1775. » Extrait de l'émission « La vie comme une histoire » diffusée en mai 2001. Vous y entendiez Michel Keble qui lisait un extrait de la lettre envoyée à la population du Québec par le Congrès américain en 1774. Alors, quelle forme va prendre cette campagne de séduction des rebelles américains chez nous, Régis Courson? Alors, d'abord, il faut, je pense que c'est important de souligner que la vie intellectuelle de la province de Québec est pauvre et quasiment inexistante, à la fois parce qu'en fait les congrégations religieuses ont la main mise sur les consciences, hein, et deuxièmement parce que la population canadienne est généralement inculte car analphabète, sachant que le premier point alimente le second. Bon. Ceci étant dit, l'armée américaine effectivement essaie de s'attacher le soutien des Canadiens à travers, disons, deux grands processus. D'abord la sensibilisation de la population, et deuxièmement la mobilisation de son élite. Alors, pour ce qui est de la sensibilisation, le Congrès américain rédige trois lettres aux habitants de la province de Québec. La première lettre, donc, du 26 octobre 1774, globalement, elle dit que l'acte de Québec brime les droits fondamentaux des Canadiens, dont le droit à la liberté personnelle, le droit à la liberté de la presse, la représentation politique, etc. Et comme on l'a entendu, il propose que leur union se bâtisse sur la base d'une liberté égale. Et à cela, il faut comprendre surtout qu'ils veulent mettre de côté leurs différences religieuses. Oui. Et ça, c'est important. C'est un peu une réponse, finalement, au gouvernement britannique et à l'acte de Québec. Alors, cette lettre est tirée à 2000 exemplaires par un jeune imprimeur français recruté par Franklin lorsqu'il était à Londres en 1773 et qui est fraîchement débarqué à Philadelphie. Il s'appelle Fleury Mesplé. Je dis cela parce qu'en fait, on le reverra plus tard. Et voici pour ce qui est de la première lettre. La seconde lettre sera publiée le 29 mai 1775. Donc là, nous sommes dans les débuts de la Révolution américaine. Elle est toujours imprimée par Mesplé et elle va inviter cette fois les Canadiens à s'insurger contre la conscription britannique, donc contre l'enrôlement dans l'armée britannique, parce que, dit-elle, ils iraient se battre pour une guerre qui n'est pas la leur. Et la troisième lettre, qui sera publiée le 24 janvier 1776, donc si l'on se rappelle bien, l'armée américaine est toujours à Montréal, Cette lettre sera plus pragmatique puisqu'elle va expliquer que le Congrès est en train de lever deux bataillons canadiens pour rejoindre la lutte armée. Et elle va exhorter les habitants à mettre en place des institutions républicaines, c'est-à-dire essentiellement des assemblées locales et provinciales, qui ont été au cœur de la formation de la Confédération américaine. Oui. Et à l'envoi de ces lettres, il y aura aussi l'envoi d'une délégation, toujours dans cette idée de convaincre les Canadiens de se joindre à la Révolution américaine. On fait campagne de différentes façons. Benjamin Franklin va faire partie de cette délégation qui sera envoyée à Montréal pour convaincre les Canadiens de se joindre à la Révolution américaine, Régis Courson. Oui, alors effectivement, le Congrès dépêche une commission composée de l'inénarrable Benjamin Franklin, qu'on ne présente quasi plus, figure... Des Lumières par excellence, également aussi d'un prêtre catholique, d'un agent français et de notre imprimeur Fleury Mesplet. Le choix de ce contingent n'est pas un hasard. Via Franklin, il s'agit de sensibiliser l'élite, l'élite éclairée finalement du Québec. Via le prêtre catholique, c'est le clergé canadien qu'il s'agit de toucher. On verra en fait toute l'importance par la suite. À travers l'agent français, c'est les notables, voire les nobles canadiens. Et enfin, via Mesplet, c'est l'opinion publique canadienne, parce que le plan du Congrès, c'était que Mesplet établisse une imprimerie et un journal directement à Montréal. Mmh. Alors, si l'on se rappelle bien du contexte, la commission arrive à un mauvais moment, puisqu'elle arrive à la fin du mois d'avril 1776. 5 à 10 000 soldats britanniques vont débarquer quelques jours plus tard à Québec. Oui. Donc, on peut couper court à tout suspense, la mission est un échec. La délégation américaine va repartir en hâte et les agents restés sur place, comme Mesplet, seront emprisonnés. Oui. Trop tardif. En fait, on a trop tardé probablement à envoyer cette délégation américaine. Cela dit, comment réagissent les Canadiens à cette offensive qui est autant une offensive militaire qu'une offensive idéologique ou diplomatique et qui commence donc dès 1774? On écoute d'abord l'animateur Michel Keble lire un extrait de l'appel que lance à la population l'évêque de Québec, Mgr Jean-Olivier Briand, le 22 mai 1775. À tous les peuples de cette colonie, salut et bénédiction. Une troupe de sujets révoltés contre leur légitime souverain, qui est en même temps le nôtre, vient de faire une irruption dans cette province dans la vue de vous entraîner dans leur révolte. La bonté singulière et la douceur avec laquelle nous avons été gouvernés de la part de sa très gracieuse majesté le roi George III, depuis que, par le sort des armes, nous avons été soumis à son empire, les faveurs récentes dont il vient de nous combler en nous rendant l'usage de nos lois, le libre exercice de notre religion, suffirait sans doute pour exciter votre reconnaissance et votre zèle à soutenir les intérêts de la couronne de la Grande-Bretagne. Mais des motifs encore plus pressants doivent parler à votre cœur dans le moment présent. Vos serments, votre religion, vous imposent une obligation indispensable de défendre de tout votre pouvoir votre patrie et votre roi. Fermez donc, chers Canadiens, les oreilles, et n'écoutez pas les séditieux qui cherchent à vous rendre malheureux et à étouffer dans vos cœurs les sentiments de soumission à vos légitimes supérieurs que l'éducation et la religion y avaient gravés. Portez-vous avec joie à tout ce qui vous sera commandé de la part d'un gouverneur bienfaisant qui n'a d'autre vue que vos intérêts et votre bonheur. Extrait de l'émission « La vie comme une histoire » diffusée en mai 2001. Comment réagissent donc les Canadiens à cette offensive américaine au Québec? Et avec ce qu'on vient d'entendre, commençons peut-être par la réaction de l'élite du temps d'abord. Alors effectivement, on peut tabler de manière schématique qu'il y a deux partis, deux partis actifs. Le parti loyaliste, donc composé, comme on l'a entendu, du clergé, mais aussi de la noblesse, une partie des officiers de milice et une partie en fait de la bourgeoisie, des hommes de loi surtout. En gros, ça c'est vraiment le parti déprivilégié, donc de ceux qui profitent du régime en place. Et à côté, il y a le parti rebelle, donc avec à sa tête une élite lettrée, donc des notables, hommes de lettres, avocats, mais aussi des marchands. Ce sont eux qui, notamment, vont plaider très vite pour une assemblée élue et qui vont notamment acheminer en fait les lettres du Congrès dans la province. Alors, pour ce qui est de la population, on peut tabler sur une neutralité plutôt bienveillante. Même s'il faut savoir que souvent l'attitude des peuples des campagnes est en fait plutôt tributaire du contexte de la présence militaire, c'est-à-dire qu'ils seront majoritairement sympathiques à l'armée occupante ou du moins pas manifestement hostiles. Mais pour ce qui concerne donc des résistances des Canadiens envers les Britanniques, on peut dire rapidement qu'elles sont de deux ordres, à la fois au niveau militaire, puisque des centaines de Canadiens vont s'enrôler dans l'armée américaine. Et comme ordre d'idée, en fait, c'est difficile de chiffrer, mais on peut reprendre un peu les mots du lieutenant-gouverneur de l'époque qui va parler de défection générale à l'enrôlement dans l'armée britannique. Et sur le plan civil, il y a eu un accueil généralement favorable des milices américaines. Aussi, il y a eu plusieurs assemblées publiques qui ont été convoquées spontanément. Il n'a pas été rare que les Canadiens tiennent des rassemblements chez eux, qu'ils prêchent la liberté un peu partout, dans leur quartier, dans leur village. Et certains même, en fait, vont chahuter seigneurs et prêtres, si ce n'est les traîner devant les tribunaux. Donc pas d'unanimité, autant chez l'élite que chez le peuple, différentes factions, une population divisée, et tout est possible à ce moment-là. Cela dit, on l'a vu un peu plus tôt, quand les soldats britanniques arrivent au printemps 1776 sur le plan militaire, c'est la fin de l'aventure américaine chez nous. Et puis l'indépendance arrive aux États-Unis en 1776, les 13 colonies américaines proclament leur indépendance, ça change aussi la dynamique, puisque l'indépendance est derrière eux, entre guillemets. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Qu'est-ce qui reste de cette tentation américaine chez nous? Alors, déjà, il faut garder en tête aussi que les révolutionnaires américains n'ont jamais vraiment abandonné l'idée d'une nouvelle campagne militaire au Québec. Quand le marquis de Lafayette arrive en Amérique, il va être nommé à la tête de l'armée du Nord en hiver 1778. Mais lorsqu'il arrive à Albany, finalement, pour diriger une seconde invasion de la province, il y trouve trop peu d'hommes, trop mal équipés, et l'hiver arrivant, il va déconseiller, finalement, le Congrès continental de poursuivre sa campagne. Ouais. En termes de sensibilisation, en fait, je pense que prendre cet exemple-là, des articles de la Confédération, c'est finalement le meilleur exemple, puisque en 1777, donc ces articles sont rédigés, ils ont été traduits en français, diffusés très rapidement dans la province de Québec. Et chose très importante à souligner, son 11e article invite expressément la province de Québec à accéder à l'Union si elle en fait la demande. C'est vraiment en fait significatif, puisque plus aucune autre colonie d'Amérique ne bénéficiera de ce passe-droit. Ouais. Et pour ce qui finalement concerne le côté interne, donc au sein même de la province de Québec, on peut parler de Mesplé, hein, et de son atelier d'imprimerie. Nous savons qu'il est resté à Montréal, nous savons aussi qu'il a été emprisonné, mais à sa libération, il va créer une gazette qui va être vraiment l'avant-poste du combat pour la liberté de pensée, d'opinion au Québec. Il va s'attirer donc les foudres du clergé et de la magistrature qui auront finalement raison de la Gazette du commerce et littéraire de Montréal. Elle va finalement cesser de paraître en juin 1779 et va mettre fin au rêve d'indépendance de la province du Québec. Régis Courcin, chercheur postdoctoral au Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal, merci beaucoup. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.